cette odeur d'une fleur enchantée. Qui es-tu pour me dire, qui es-tu pour m'écrire? Ce soir n'est qu'un jeu, ce soir le grand jeu. Du sourire aux lèvres, aux larmes dans les yeux, d'un sang trop pudique, se tenir un peu mieux. La confiance est maîtresse, la chance est le reste. Oh, c'est-tu ludique, un rire hystérique. Qui es-tu pour me dire, qui es-tu pour m'écrire?